Cet appareil est un alcotest, appelé couramment ballon. Il est utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Contrairement à l'éthylomètre ou à la prise de sang, il ne permet pas la détermination précise du taux d'alcool dans le sang. Son principe consiste à utiliser un réactif chimique qui change de couleur en présence d'alcool dans l'air expiré. Jaune, le test est négatif. Vert, le test est positif. Il y a présence d'alcool. Réponse B.